Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec une amie de Bordeaux que je connais depuis très longtemps, qui joue d'habitude en duo mais qui va parler donc au nom des deux. Mesdames et messieurs, Anne Cordin. Je m'applaudis moi-même. C'est la base, c'est la base. Ouais. Dans ce métier, on apprend à être content de soi, donc c'est parfait. Et donc Anne, tu es donc une humoriste de Bordeaux qui joue en duo avec ta sœur Sophie. Voilà, dans Les Jumelles. Les Jumelles, le duo. Donc c'est le, comment vous appelez ça, c'est le premier solo joué en duo ou l'inverse. Voilà, exactement. Et c'est vraiment un spectacle magnifique que je vous encourage à aller voir. Et donc tu as des anecdotes, des petites galères d'humoriste à nous raconter. C'est ça. Et là du coup, pour le coup, c'était quand je jouais en solo, parce que je joue aussi en solo. D'accord. Normal, je m'appelle Anne Solo. Bon. C'est pas un sketch que sur Star Wars, mais... Je vais me faire attaquer par Disney avec tes bêtises, et ok, vas-y, donc tu jouais à l'époque seule sur scène. Ouais, enfin, notamment, voilà, et il y a un sketch qui se passe aux États-Unis, c'est une anecdote qui m'est, où je raconte que j'ai été en prison en 2009, et ça m'est vraiment arrivé, j'ai passé 3 jours en prison au Texas, faut voir mon spectacle pour le comprendre, mais en tout cas j'ai vraiment ça sur mon fichier. J'ai vu le sketch et c'est vrai que c'est surprenant, surtout quand on apprend que tout est vrai. Ouais. Tout est vrai. Et donc, même si j'ai été innocentée, n'empêche que j'ai été arrêtée pour crime et j'ai risqué 10 ans. Et donc, à chaque fois que je vais aux États-Unis, je passe toujours 2 heures. Juste une chose, pardon, si je peux me permettre de t'interrompre. C'est, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que tu dis, j'ai failli faire 10 ans pour crime. Les gens vont se dire, Sofiane, t'as des drôles de fréquentation, tu vois. Non, tu es quelqu'un de tout à fait normal, mais bon, c'était une méprise, on va dire, quoi. En fait, c'est parce que j'étais sur l'autoroute, j'ai doublé une voiture. En doublant cette voiture, j'ai fait un excès de vitesse. Et comme je ne me suis pas, j'ai eu des flics derrière moi qui voulaient m'arrêter pour excès de vitesse. Et comme moi, je ne me suis pas arrêtée, j'ai freiné, mais je ne me suis pas arrêtée. Ça s'est transformé en délit de fuite. Et un délit de fuite, c'est un crime. Et pour un crime au Texas, c'est 10 ans. Oh là là. Voilà, tout simplement. Ça l'affaire. Voilà. Et donc, tu as été innocentée. Et j'ai été innocentée, mais depuis, n'empêche que sur mon record, il y a quand même écrit que cette histoire. Et à chaque fois, on me pose des questions sur ce crime, sur son visa, enfin tout ça. Ouais, et donc, en septembre 2016, j'avais fait des démarches. Je partais en vacances à Los Angeles avec mon copain. Et j'avais dit, tant qu'à faire d'aller à Los Angeles, autant jouer dans des comedy clubs. Ah bah, ouais. Et donc, j'avais décroché 3 soirées dans des comedy clubs hyper connus, donc, dont The Ice House, qui est le comedy club le plus ancien des États-Unis. D'accord. Où a joué tout plein de gens connus. Et c'était le soir même de mon entrée aux États-Unis. Enfin, c'était le soir pile poil où j'arrivais, où j'atterrissais. T'arrivais avec l'avion et puis tu partais direct. Ouais, genre pour c'était jouer. Prévu. J'arrive à Los Angeles, paf, à la seconde près, il fallait que j'embarque. Ah ouais. Et donc du coup, c'était pas un vol direct, c'était Paris, Toronto, Toronto, Los Angeles. Mais arrivé à Toronto, en fait, direct les douaniers, ça a pas loupé. Ils m'ont embarqué pour passer un interrogatoire à la douane. Et 1 heure passe, 1 heure et demie, 2 heures. Et je dis non, mais j'avais mon vol. Fallait pas que je rate mon avion, sinon je loupais ma scène au Ice House. Et enfin, c'était horrible. Et pour la faire rapide, au bout de 2 heures et demie, ils me libèrent parce qu'ils font vraiment chier là. Ils me libèrent. Et après, je cours, je vois mon copain. Je cours. Et j'ai pu avoir mon avion in extremis, mais à la seconde près. Et en plus, c'était vraiment fou, cette histoire, j'ai failli pleurer. Et puis après, une fois arrivé à Los Angeles, je prends le Uber, on file et tout. Et puis ce que t'es rigolo pour l'anecdote, c'est qu'une fois arrivé donc au Ice House, je vois dans la fiche le line-up, donc Anne Cordin, hop, Kev Adams, et je me dis c'est marrant, ils ont aussi un humoriste qui s'appelle Kev Adams, c'est rigolo. Et en fait, qui je vois débarquer, en fait, notre Kev Adams, français, notre petit qui est maintenant, qui est maintenant aux États-Unis. Et donc, du coup, t'as failli aller en tôle, et finalement, tu t'es retrouvé à jouer avec Kev Adams. Quoi. Voilà, tout ça. T'es passé d'un extrême à l'autre. Tu vois. En même temps, quand tu sais qu'il y avait Kev Adams ce soir-là, t'aurais pas préféré aller en tôle? Il est adorable. Je plaisante, évidemment. Ouais. C'est parce que il est venu jouer chez nous à Bordeaux. Je l'ai raté ce soir-là. Je conduisais mon bus, mais je sais qu'il est adorable. Puis bon, je pense qu'il a beaucoup d'humour là-dessus. Il est cool. Ouais. Et j'ai pensé à une autre anecdote à Avignon. Oui. Côté dans mon spectacle, à un moment donné, je drague en fait quelqu'un du public. Donc en général, j'essaie de prendre quand même un mec beau gosse ou pas d'ailleurs, enfin quand même beau gosse. Et là, un jour à Avignon, toujours en 2016, quand on a joué tous les jours, mais ce jour-là, il y avait que des nanas et il y avait un mec, donc aux joueurs au troisième rang. Et donc là, je dis, hey, bonsoir, on se connaît. Et là, il me répond, non. Une voix hyper aiguë. Bugs Bunny, quoi. Ouais, et c'était hyper dur après d'enchaîner, de faire croire qu'il me plaisait. Parce que, en vrai, je suis censée dire, on s'est pas déjà vu quelque part. Ah oui, c'était dans mon dernier rêve. Et lui, il répondait, non, je crois pas. Enfin, je suis pas sûre. Non seulement il me répondait, mais avec sa voix aiguë, c'était horrible. Il était super premier degré, quoi. Ouais, premier degré, et voix horrible. J'ai dit, merde, putain, mais Anne, arrête cette vanne tout de suite. Et sur le coup, j'aurais dû arrêter beaucoup plus tôt. Je n'avais pas assez de répondants ou de répartis à l'époque. On ne veut pas être méchant. Bah, t'avais pas prévu, dire, voilà. Mais du coup, intérieurement, je me disais, merde. C'est les moments de solitude, quoi. Un moment de solitude, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Anne. Franchement, c'était un plaisir de partager un petit moment avec toi, voilà, d'écouter un petit peu ces anecdotes, ces galères d'humoristes qui font que ce métier est dur, mais qu'on kiffe le faire vraiment. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver et donc vous retrouver avec ta sœur? Alors on peut sur Facebook, les réseaux sociaux, Anne Cordin, ça c'est ma page fan ou mon compte Anne Cordin, et du coup les jumelles Anne et Sophie. D'accord. Anne-Sophie Cordin, le compte ami c'est Anne-Sophie Cordin, ou alors les jumelles Anne et Sophie, ça d'accord. C'est la page. Donc il y a Anne fan. Cordin, Sophie Cordin, et vous avez fait un compte schizophrène Anne-Sophie Cordin, d'accord. Ouais. Très bien. Voilà, puis sur YouTube, on a aussi une chaîne YouTube, les jumelles Anne et Sophie. Les jumelles Anne et Sophie sur YouTube, très bien. Twitter, peut-être, Instagram. On a Twitter, ouais, c'est quoi les jumelles, un peu comme ça peut-être. Pas Instagram, mais ouais. Non, Twitter. Ouais, c'est les jumelles, ouais. Les jumelles, d'accord. Et Instagram, non. Si, Anne Cordin sur Instagram, ouais. Très bien, parfait. Abonnez-vous. Bah, abonnez-vous, n'hésitez pas à les suivre. Hein, et puis, bientôt, tu m'as dit pour l'année prochaine, le Festival d'Avignon. Ouais, Avignon l'an prochain, pour 2019, du coup. D'accord. Et Paris aussi, quand on jouera, en 2019. On ne sait pas encore exactement suffit de suivre pour trouver les infos. Pour ma part, vous pouvez me retrouver donc, sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Humoriste, donc sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Bisous à tous, même à toi là-bas.